J'aimerais aller au loto, mais je n'ai pas d'argent. Ça coûte au moins 30 euros et je n'ai pas d'argent. Je les donnerai à mon fils pour qu'il se bourre la gueule. Ce soir personne n'est là, je me paierai bien une pizza. Mon estomac est d'accord, mais mon portefeuille veut pas. J'ai donné l'argent à mon fils pour qu'il se bourre la gueule.